balancer un dos à maman, à l'époque. Marcourilla de ma jarura, à l'époque. Marcourilla de ma jarura, à l'époque. Sotto mongola joa muna ale bute Bayi matom nambang nang surat ale bute Bayi matom nambang nang surat ale bute Doke, doke, doke, I doke, doke, doke, doke, doke, doke, I doke, doke, doke. Saldo talu ale bute Masutai kon saldo talu ale bute Bute Harupati buma magoda Ale bute Asa dundala barang merah Ale bute Jabalang merah di negara Ale bute Doke, doke, doke, I doke, doke, doke, I doke, doke, doke, I doke, doke, doke, doke.